Billet d'avion dans la poche, dernière bise à mes proches. Frère, ici le temps est moche, on se barre où il fait hoche. M'en vais loin de cette routine, à moi plage et piscine. Boucle de rêve, bombe latine, fracture de mes rétines. Y'a pas de stress, y'a pas d'heure, en Cosval, le temps s'arrête. Que des rires, aucun pleur, hôtel haut, c'est la fête. Sirotage de Morito, les doigts de pied en éventail. Le cadre mérite des photos, pensez pour ceux qui travaillent. Crème solaire de sortie, car ici ça tape fort. Coup de soleil ressenti, bien fine sur tout le corps. Gros son pour s'ambiancer, j'apprécie le paysage. La tête vide de pensée, le regard au rivage. Enfin déconnecté, toute l'année je l'ai attendu. Les filles en décolleté et petite tenue. Putain, je vais tous dépister, on se croirait dans un clip. Injoignable tout l'été, laisse un message après le bip. On se met bien, frérot, on se met bien, oh oh. On est là, Zeppo, Playa Morito. On se met bien, frérot, on se met bien, oh oh. On est là, Zeppo, Ronzetto, Leiso. On se met bien, frérot, on se met bien, oh oh. On est là, Zeppo, Playa Morito. On se met bien, frérot, on se met bien, oh oh. On est là, Zeppo, Ronzetto, Leiso. Le tout barbe est cramé, on va me croire métissé. Le transat a craqué, je crois que je me suis engraissé. Je m'atténue, mercato, en lisant la gazette. Les yep au bord de l'eau, toutes les heures je fais trempette. Pas de claquettes, chaussettes, sous le soleil caniculaire. Toujours street en casquette, même si ça me rend impopulaire. J'ai coffré pendant des mois pour partir sur les palmiers. Y'a pas de salaire de resta, frère, t'as rien à m'envier. Mis les îles dans Gamos pour partir en soirée. J'arrête pas de faire le beau gosse, tu gites de la tête aux pieds. Ma femme me jette des regards, du genre tu veux mes yeux. Putain, les frères, je suis tricard, je dois me retirer du jeu. C'est pas grave, je suis posé, cocktail ou panaché. Frites pizza dans gosier, j'ai du mal à marcher, y'a qu'une salle tourista qui pourrait me faire rentrer. Deux places à la fiesta, j'en profite, c'est l'été. On se met bien, frérot, on se met bien, oh oh. On est là, Zeppo, Playa Morito. On se met bien, frérot, on se met bien, oh oh. On est là, Zeppo, Ronzetto, Leiso. On se met bien, frérot, on se met bien, oh oh. On est là, Zeppo, Playa Morito. On se met bien, frérot, on se met bien, oh oh. On est là, Zeppo, Ronzetto, Leiso. On se met bien, frérot, on se met bien, oh oh. On est là, Zeppo, Ronzetto, Leiso.